Chapitre 5e. En ce moment, on heurta violemment à la porte de la chaumière, et Madame de Bussy, vêtue de son costume de cœur, la poitrine ornée de la croix d'or, un signe de sa dignité chapitrale, entra, accompagnée du maître d'hôtel de Mademoiselle de Guise et d'un valet portant une large corbeille. « Que la bénédiction du Seigneur soit avec vous, » dit la chanoinesse en franchissant le seuil de lui. À cette apparition inattendue, toute la famille se leva. Les femmes et les enfants s'inclinèrent, le soldat ôta son chapeau et se tint immobile comme au port d'armes. « Mes bons amis, » dit la chanoinesse, « vous savez que votre dame se marie cette nuit. Demain, elle sera duchesse de Richelieu et elle quittera, sinon pour toujours, du moins pour longtemps, le château de Beaujeu tant aimé et où elle a passé les plus belles et les plus charmantes années de sa jeunesse. « Mademoiselle de Guise va nous abandonner ?» exclamèrent Mathurine, Babette et les enfants. « Oh, vous connaissez le cœur de votre dame, » reprit la chanoinesse. « En cessant de demeurer au milieu de vous, elle ne vous abandonnera pas. Son cœur, ses souvenirs et ses sympathies se tourneront constamment vers Beaujeu. Et pour vous prouver que votre affection lui est chère, pour vous adresser des adieux qui, elle l'espère, ne seront pas éternels, elle a daigné me charger de vous distribuer ses beignets qu'elle a faits de ses propres mains. Elle prétend vous associer ainsi, dans la collation que vous allez prendre, aux fêtes et aux réjouissances de son mariage. « Mathurine, » dit alors le maître d'hôtel Joseph de Plunard, en plongeant sa main dans la corbeille, « voici 12 beignets pour vous et vos 3 enfants. Babette, vous êtes une vertueuse et secourable fille. Mademoiselle vous octroie 6 beignets pour vous toute seule. Quant à toi, mon garçon, » ajouta le vieux Plunard en s'adressant à André, « j'ignorais ton arrivée à Beaujeu, mais j'ai appris que tu étais un brave soldat comme tu avais été un bon fils, et je crois suivre les intentions de notre illustre maîtresse en te gratifiant de 6 beignets. »« Grand merci, monsieur Plunard, » repartit le soldat. « Je ferai honneur, soyez-en sûr, au cadeau de notre dame et seigneur. » »« Et maintenant, mes bons amis, » reprit la chanoinesse, « nous vous laissons pour continuer notre tournée et rentrer au château à l'heure fixée pour la cérémonie. Je ne vous dirai pas, réjouissez-vous, car cette maison porte encore les traces d'un deuil trop récent, mais je vous dirai, espérez en la Providence, et ne cessez pas de la bénir pour en être à votre tour béni. » Ces paroles prononcées, la chanoinesse et ses 2 acolytes se retirèrent au milieu des témoignages de respect de la pauvre famille. « Mère, » dit le soldat en reprenant sa place, « voilà des beignets qui me semblent bien appétissants, et quand je songe que c'est la main délicate de notre châtelaine qui leur a donné cette forme et cette couleur, ça me donne une furieuse envie d'y goûter. » « Mange, mange, mon enfant, » répondit Mathurine, « mais tu sais qu'il n'y a que de la piquette pour accompagner ces friandises. »« Faute de mer, l'on mange des grives, » répliqua André, « et faute du bon petit vin blanc du Poitou, on boit de la piquette. Un laboureur et un soldat s'accommodent de tout. » Et sans autre préambule, André mordit bien et dru dans le premier beignet qui lui tomba sous la main. Mais tout aussitôt, il fit une épouvantable grimace. « Qu'as-tu donc, mon enfant ?» dit Mathurine. « Rien, rien, mère. Je suis tombé seulement sur ce qu'on appelle un beignet d'attrape. On en fait toujours comme ça, histoire de rire. » Il en prit un second, et le même coup de dent amena la même grimace. « Ah, pour le coup, » dit-il, « c'est trop fort. Il faut que je voie ce qu'il y a là-dedans. C'est à casser les dents d'un crocodile. » Il prit un couteau, éventra le beignet, et un double louis d'or se dégagea radieux de la houppelande de pâte. « Que vois-je ? » s'écria le soldat. « De l'or ? Oh, ma mère ! Oh, Babette !» Tous les beignets furent fouillés à l'envi, et de chacun d'eux tomba un jaune compagnon du premier louis d'or. Le soldat, les 2 femmes, étaient dans la stupéfaction. Les 3 enfants ouvraient de grands yeux, et la bouche béante admirait ces parcelles de métal dont ils ignoraient la valeur et dont jusqu'alors ils n'avaient pas soupçonné l'existence. Les louis réunis devant chaque lot s'épanouissaient et chatoyaient aux lueurs vacillantes de la lampe. Cet or, sur cette table décrépite, au milieu de cette chaumière indigente, était une page des 1001 nuits. « Oh, je reconnais bien là notre chère demoiselle, » dit Mathurine, en essuyant cette fois une larme de joie et de reconnaissance. Avant de faire la part de son bonheur, elle a voulu faire la part des pauvres et des affligés. « Vive, mademoiselle de Guise, » dit le soldat, en jetant son chapeau en l'air. « C'est pour cette fois, mère, que je ne vous quitterai plus. Le soldat redevient laboureur. » Il n'avait pas achevé ces paroles que l'horloge du château se mit à sonner minuit et que la cloche argentine de la chapelle du manoir annonça que la cérémonie du mariage de Mademoiselle de Guise et de Monsieur le Duc de Richelieu allait commencer. Mathurine, par un mouvement instinctif, se leva, prit ses trois jeunes enfants et Babette par la main, puis, se jetant tous ensemble au pied du crucifix, soleil moral de la chaumière, ils exhalèrent en cœur leur gratitude par cette courte prière qu'ils adressèrent d'une même âme à l'éternel dispensateur des biens d'ici-bas. « Ô mon Dieu, bénissez notre bienfaitrice, accordez-lui dès ce monde la récompense de ses vertus. Faites, ô mon Dieu, que le saint engagement qu'elle contracte en ce moment soit pour elle une source de félicité, de consolation et d'espérance. » Le soldat ne s'était point mis à genoux, mais on voyait à son attitude recueillie, à ses regards fixés sur le signe de la rédemption, qu'il s'unissait mentalement à la pieuse et reconnaissante manifestation de la famille. Mathurine continua. « Quant à moi, ô mon Dieu, je vous remercie des grâces que vous venez de répandre sur moi. Vous m'avez frappé, Seigneur, mais votre miséricorde infinie l'emporte sur votre justice. En me rendant mon fils, Seigneur, vous me rendez une part de ce que j'ai perdu. En inspirant une charité si tendre, si noble à Mademoiselle de Guise, vous me sauvez, mon Dieu, et avec moi, vous sauvez ma famille. Seigneur, Seigneur, ma confiance dans votre saint nom a fait ma force jusqu'à ce jour. Que le cantique de ma reconnaissance devienne l'occupation et la joie du reste de ma vie. » « Mère, dit respectueusement le soldat Mathurine en la relevant, car la bonne femme était restée à genoux devant le Christ, « Mère, Dieu exaucera votre prière et nous serons tous heureux, du moins, j'ai l'hardiesse de l'espérer, » ajouta-t-il en regardant timidement Babette. « Monsieur André, répondit la jeune fille, dont un sourire plein de pudeur et d'esprit vint arquer la bouche rose et fraîche, « Monsieur André, voulez-vous accepter mes beignets ?»« Si votre cœur est avec, » dit à son tour le soldat, d'un air malicieusement dubitatif. « Prenez-les donc, » répliqua Babette, « et que Dieu protège notre ménage. »« Et notre amour, » ajouta le soldat, en prenant dans ses mains la main de Babette et en embrassant tour à tour sa mère et son amante. Les beignets de Mademoiselle de Guise avaient fait le tour du village de Beaujeu. Ils avaient réjoui la couche du vieillard, la crèche du nouveau-né, l'asile de l'orphelin et de la veuve abandonnée. Partout, cette manne céleste, car l'or est céleste quand il est sanctifié par la charité chrétienne, avait tari des pleurs, calmé des désespoirs, suspendu des douleurs. Partout, cet ingénieux et dernier gage de la sollicitude maternelle de la châtelaine de Beaujeu avait été accueilli par les larmes et les bénédictions de l'indigence. Aussi, les malheureux, femmes, vieillards et enfants, se pressaient-ils le lendemain dès la pointe du jour à la porte du château, comme dans les temps bibliques les paralytiques et les malades se pressaient autour de la piscine miraculeuse du temple de Jérusalem. La reconnaissance villageoise n'attendait que l'apparition de la nouvelle duchesse de Richelieu pour faire éclater son enthousiasme. Ce moment arriva enfin. Le pont-levis de l'antique manoir se baissa majestueusement sur le fossé et donna passage au leste et brillant cortège des nouveaux mariés. Un formidable cri de « Vive Mademoiselle de Guise !»« Vive Madame la Duchesse de Richelieu !» retentit alors sur l'esplanade et alla, d'écho en écho, se perdre jusque sous les voûtes héroïques des sires de Beaujeu. La jeune duchesse, émue jusqu'aux larmes, se pencha à la portière et adressa du geste un suprême adieu à ses vassaux dont elle avait si longtemps été la providence et l'étoile. Les acclamations redoublèrent et suivirent longtemps le splendide équipage à six chevaux qui entraînait vers les magnificences de Versailles le couple fortuné. « Mes amis, dit Joseph de Plunard, le vieux maître d'hôtel, qui se trouvait dans la dernière voiture de suite avec Voltaire, Helvétius, l'abbé de Bernis et gentil Bernard, « mes amis, je compte bien que vous n'oublierez jamais Madame la Duchesse de Richelieu. »« Non, monsieur, » répondit le soldat du régiment de Nice, « mais nos enfants, dussent-ils perdre un jour le souvenir des titres et du nom de Madame la Duchesse de Richelieu, se rappelleront toujours avec reconnaissance les beignets de Mademoiselle de Guise. » Ainsi s'achève cette nouvelle d'Amédée de Bastes.